Esselatu vesselamu ala Rasulillah. Le thème de notre combat d'aujourd'hui traite du bon voisinage et des droits du voisin. Louange à Allah qui nous a recommandé de faire le bien, déconseiller la désobéissance des parents, confirmer le devoir du musulman envers le musulman et instituer des droits pour le voisin, quelle que soit sa religion. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il est le Créateur, et à part lui, tout est créé. Et nous témoignons que notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Communauté des croyants, le droit du voisin est confirmé par le Coran et les hadiths. En s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel a insisté sur les droits du voisin à tel point qu'il a cru qu'il allait faire de lui un des héritiers. Il n'y a qu'un malheureux et un mauvais pour maltraiter un voisin. De celui qui maltraite son voisin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, il n'aura pas la foi. Par Allah, il n'aura pas la foi. Par Allah, il n'aura pas la foi. Et il lui a été dit, au messager d'Allah, c'est un perdant. Mais qui est-il? Il a répondu, celui dont le voisin n'est pas à l'abri des mauvais agissements. On lui demanda, que veut dire que ces mauvais agissements? Il répondit, son mal. Avant l'islam et après l'islam, les Arabes défendaient l'honneur et ils étaient fiers du bon voisinage. La valeur d'une maison dépendait de la qualité du voisin. Le plus malheureux des gens est celui que les gens évitent pour se protéger de son mal. Et le plus mauvais des voisins est celui qui est indiscret avec ses voisins. Celui qui, secrètement ou non, cherche à connaître l'intimité de ses voisins. Celui auquel on ne fait pas confiance, ni en matière religieuse, ni pour une vie, ni pour la famille, ni pour les biens. Il est incapable de distinguer entre celui qui lui est proche et celui qui ne l'est pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu'il soit bon avec son voisin. Celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu'il soit bon avec son invité. Celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il est honteux pour un musulman de dormir rassasié, le ventre plein, alors que son voisin a faim, ou qu'il mette des vêtements neufs et ne pense pas à donner ne serait-ce que ses vieux vêtements à ses voisins qui en ont besoin. Comme il est honteux qu'un musulman mène une vie de luxe, alors que ses voisins n'ont rien à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ô Abi Dharr, si tu cuisines une sauce, mets-y beaucoup d'eau et pense à tes voisins. » Le musulman ne doit pas célébrer des fêtes dans sa maison, alors que dans la maison d'à côté, ses voisins sont en deuil après un décès. Parmi les droits de ton voisin sur toi, et que tu lui dois le salut quand tu le rencontres, que tu lui rendes visite s'il est malade, que tu accompagnes sa dépouille au cimetière s'il meurt, que tu sois pour ses enfants après sa mort comme il l'a été pour eux de son vivant, que tu sois à ses côtés en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des compagnons pour Allah, et le meilleur d'entre eux avec son compagnon, et le meilleur des voisins pour Allah le Très-Haut, et le meilleur d'entre eux avec son voisin. Serviteur d'Allah, sache qu'il t'est interdit de regarder dans la maison de ton voisin à son insu, ou que tu le trahisses dans sa famille. Celui qui regarde à l'intérieur de la maison de son voisin sans son autorisation, Allah a rempli ses yeux de feu des enfers. Il t'est interdit de l'espionner et d'écouter ce qu'il dit dans sa maison. Et si tu es incapable de faire du bien à ton voisin ou de lui être reconnaissant, alors évite de lui faire du mal. Laisse-le en paix dans sa maison. S'il t'appelle, réponds-lui. S'il te demande conseil, conseille-le. S'il est victime d'injustice, soutiens-le. S'il est dans l'erreur, raisonne-le. S'il fait du bien, remercie-le. Et s'il fait du mal, pardonne-lui. Il se peut que le jour du jugement dernier, un voisin s'accroche à son voisin et dit « Oh mon Dieu, celui-là a fermé sa porte pour moi. Il m'a frustré de sa bonté. Il m'a vu sur la mauvaise voie et il ne m'a pas conseillé. » Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Oh messager d'Allah, une telle prie beaucoup, donne beaucoup de monde et jeûne beaucoup, sauf qu'elle fait du mal à ses voisins. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Elle est en enfer. » Puis l'homme a dit, « Oh messager d'Allah, on parle d'une telle pour son peu de prière et de jeûne. » Et on en moine, elle ne donne que peu de l'écailler, mais elle ne fait pas de mal à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, elle est au paradis. Serviteur d'Allah, quatre sont un bonheur, une bonne épouse, une grande habitation, un bon voisin et une embarcation stable. Et quatre sont un malheur. Une mauvaise épouse, une habitation étroite, un mauvais voisin et une embarcation instable. Allah le Très-Haut aime celui qui supporte les mauvais agissements de son voisin jusqu'à ce qu'il déménage et qu'il meure. Les premières choses jugées le jour du jugement dernier sont les querelles entre voisins. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déconseiller les reconstructions si elles gênaient les voisins en empêchant l'arrivée de l'air ou en permettant de regarder chez eux. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, je m'en remets à toi d'un mauvais voisin en ville, le voisin de la campagne du déménage. » Et il a dit, « Crains les interdits, tu seras le plus pieux des gens. Contente-toi de ce que Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. » Sois bon avec ton voisin, tu seras croyant. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras musulman et n'abuse pas du rire, car l'abus du rire tue le cœur. Certains ne se soucient pas des autres lorsqu'ils ont leur confort. Peu leur importe que les gens soient en colère contre eux, tant qu'ils ont ce qu'ils veulent et qu'ils profitent des plaisirs de la vie, même si cela peut causer la perte des autres, les éloigne eux-mêmes de leur religion et de leur honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a partagé entre vous votre éducation, comme il a partagé entre vous vos moyens de subsistance. Allah le Très-Haut donne la richesse à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas, et il ne donne la foi qu'à celui qu'il aime. Celui à qui il donne la foi, il l'aime. Et par celui qui détient mon âme dans sa main, un serviteur ne devient musulman que lorsque son cœur et sa langue le deviennent. Et il ne devient croyant que lorsque son voisin est à l'abri de ses mauvaises actions. Qu'Allah nous mette avec le meilleur de sa création. Qu'il bénisse nos moyens de subsistance licites et qu'il nous évite de faire du mal à nos voisins ou de manquer à nos devoirs à leur égard. Allah le Tout-Puissant a dit, vénérez Allah et ne lui associez rien d'autre. Et avec vos parents, soyez bons, ainsi qu'avec les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le compagnon et le voyageur, et les captifs en votre possession, car Allah n'aime pas les fourbes arrogants. Wa salatu wa salam ala rasulillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.